Messieurs, dames, nous reprenons le live tranquillement. Il est précisément 21h. Oula, qu'est-ce que je fais ? Il est précisément 21h et nous accueillons cette fois-ci une personne qui va se présenter d'ailleurs, qui va nous expliquer un petit peu d'une part ce que c'est que l'hypnose et plus précisément le concept d'hypnose de rue, d'hypnose un petit peu nomade. Et puis on pourra lui poser une série de questions un peu sur à la fois toutes les craintes qu'on peut avoir autour de ce concept d'hypnose et puis évidemment, peut-être essayer aussi, on a plusieurs cobayes qui sont très disposés à essayer un petit peu ça. Donc d'abord, est-ce que tu veux te présenter tout simplement ? Qui es-tu ? Que fais-tu ici ? Alors bonjour, je m'appelle Sébastien Clé et je suis essentiellement hypnotiseur de spectacle et je pratique également l'hypnose de rue. Donc quand tu dis je suis hypnotiseur de spectacle, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs catégories d'hypnotiseurs. Est-ce que tu peux rapidement nous les citer et nous expliquer un peu les différences en fait entre ces... Alors il va y avoir l'hypnotiseur de spectacle qui va utiliser l'hypnose comme but afin de proposer des effets aux personnes qui se trouvent sur scène, non pas des cobayes mais plutôt des partenaires, je les appelle comme ça. Il va y avoir l'hypnose de rue qui va être à peu près la même chose mais dans une pratique plutôt intimiste où des passants vont se voir proposer un test d'hypnose, mais toujours de façon ludique. Il va y avoir la thérapie, les hypnothérapeutes, qui eux vont travailler sur des phobies, sur du contrôle de soi, le stress. Et après, l'hypnose médicale dans les hôpitaux, qui va permettre des anesthésies, qui va permettre de déstresser avant une intervention. Et même sur certains hôpitaux, la première chose qui est proposée dans les urgences, c'est au lieu d'utiliser un calmant, c'est l'hypnose. Et alors, pour devenir hypnotiseur, comment ça se passe ? Est-ce que toi, tu as suivi, je ne sais pas, il y a des formations, des trucs officiels, comment ça se passe ? Il y a un agrément de... Alors, pour ce que je pratique, l'hypnose de spectacle, j'ai suivi une formation. Alors après, bien sûr, on peut apprendre à chanter et chanter sous sa douche et se perfectionner et après sortir un album. Ensuite, est-ce qu'il y a des agréments ? Non. Sur la profession d'hypnothérapeute, il n'existe aucun agrément. C'est une profession qui n'est pas réglementée. D'accord. Et la question que je me pose aussi, c'est d'abord, une première chose, c'est depuis combien de temps tu fais ça ? Et un peu, pourquoi tu fais ça ? Du moins, qu'est-ce qui t'a amené en fait à cette pratique ? Est-ce qu'il y a des choses dans ta vie ? Toi, tu as rencontré des hypnotiseurs. Enfin, essaye de nous parler de... C'est quoi ton parcours et qu'est-ce qui fait que tu t'es retrouvé à faire cette passion, je sais pas si, ou même ton travail en fait. Oui, tout à fait. Donc ça va faire 5 ans que je pratique l'hypnose. Et l'hypnose, je voulais la pratiquer vraiment sur scène, en spectacle, mais c'est pas si ancien que ça. Je viens à l'origine de la musique il y a 25 ans. Il y a 25 ans, j'étais dans un groupe qui était assez connu au niveau de la région. J'ai fait de la comédie musicale, des choses comme ça. Ensuite, j'ai fait beaucoup de théâtre, théâtre de rue, théâtre classique. Et l'hypnose, ça a été vraiment par hasard. J'avais vu qu'on pouvait accompagner des personnes grâce à l'hypnothérapie. Je m'y suis intéressé. Et puis finalement, en creusant, je me suis rendu compte que ce n'était pas fait pour moi parce que je suis quelqu'un de trop empathique. Et je n'aurais pas pu accompagner les personnes sans être moi-même touché. Et je me suis dit, comment ça peut s'apprendre ? J'ai pris un bouquin, j'avais un peu de mal, et un jour, en allant voir un spectacle, il y avait un hypnotiseur qui était là, qui m'a conseillé un livre. J'ai acheté ce livre, et puis je suis parti en formation avec ce type qui a écrit ce livre, et c'est devenu une passion. 6 mois après, j'étais sur scène avec l'hypnose. D'accord. Et je ne sais pas si, en tout cas, s'il y a des gens dans la salle, ou même qui sont autour de la table, qui ont un moment des questions, n'hésitez pas à vous manifester et intervenir. Je ne sais pas, Guy, déjà, si tu avais une première question. Moi, j'aimerais bien savoir, est-ce que ça fonctionne sur tout le monde, l'hypnose ? Alors, il faut savoir que l'hypnose, ça fonctionne sur tout le monde, mais on n'est pas tous prêts, sur le moment, à lâcher prise. Donc, pour être réceptif à l'hypnose, il y a 3 choses. Ça va être la capacité à lâcher prise, à s'autoriser à imaginer et à se laisser guider. Et à partir de ce moment-là, si on a ces 3 données, on est capable de basculer en transe hypnotique. Alors évidemment, tout le monde n'est pas capable de lâcher prise, d'imaginer ou de se laisser guider. Et il peut y avoir aussi des événements extérieurs ou intérieurs qui vont faire que on va pas se laisser aller sur ce moment-là. Mais c'est pas figé dans le temps. Si un jour on teste l'hypnose et que ça ne fonctionne pas, ça ne veut pas dire que le lendemain ça ne fonctionnera pas. Au contraire, plus on apprend à lâcher prise, plus on arrive à le faire. J'ai travaillé avec une sportive de haut niveau et voilà, sur les débuts, elle était un peu réticente et on a travaillé, elle a réussi à lâcher prise et ensuite j'ai réussi à l'accompagner à ce qu'elle atteigne des objectifs mentaux. Est-ce que quand tu fais tes, je sais pas si on peut dire tes séances, en tous les cas quand tu pratiques l'hypnose, est-ce que tu as des outils particuliers du genre, on a un peu l'image des fois des hypnotiseurs qui ont des pendules ou le fait de pouvoir éventuellement utiliser de la musique? Est-ce que toi, tu l'utilises? Est-ce que tu le recommandes? Enfin, voilà. Alors, il faut savoir que le seul outil de l'hypnotiseur, ça va être sa voix et son charisme. Et le pendule, c'est vraiment une image d'Épinal. On est sur l'hypnose d'il y a plus de 50 ans. Et aujourd'hui, non, il suffit juste de la voix et c'est suffisant. D'autres questions éventuelles? Jusqu'où est-ce que tu peux aller sous hypnose? Est-ce que tu perds vraiment le contrôle quand tu es sous hypnose? Alors, faut savoir que non, on ne perd pas le contrôle. Au contraire, c'est l'inverse. C'est-à-dire que lorsqu'on se retrouve en transe hypnotique, c'est une hyper-vigilance où on va être focalisé sur soi-même, son esprit, son corps, mais le conscient sera toujours présent. Et à tout moment, si l'hypnotiseur propose quelque chose qui va au-delà des valeurs, au-delà... la sécurité de la personne, eh bien, le conscient est toujours présent pour dire non, stop, ta séance, elle ne me plaît pas, ou alors ce que tu me fais faire en spectacle, ça ne me plaît pas. Si je pouvais forcer les gens à faire quoi que ce soit, je serais allé voir mon banquier, dans un premier temps, j'aurais dit, tu mets un 1 et quelques dizaines de zéros avant la virgule, et je ne serais pas ici. Entendu. D'autres choses que vous avez envie de savoir? Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des... Comment dire, il y a un peu des... Justement, ça répond un peu à la question de Guy. C'est il y a beaucoup de préjugés et de, comment dire, de choses qu'on entend beaucoup sur l'hypnose. Est-ce que tu veux nous en parler un peu des quand tu expliques ton hobby, qu'est-ce que les gens disent et c'est quoi un peu les choses qui reviennent régulièrement, en gros les choses que toi tu as envie de démentir entre guillemets aussi? Alors, ça, c'est surtout dans la rue, parce que quand c'est en spectacle, eh bien, les gens qui montent sur scène, eux, bah, ont confiance et ont dépassé ces a priori. Mais souvent, quand on pratique de l'hypnose de rue, on a des gens qui viennent, qui disent « Non, mais me transforme pas en poule ». Donc on a un peu cette image-là de l'hypnose. Ou alors « Ne me fais pas faire n'importe quoi ». Et d'autres qui, par des croyances religieuses, nous considèrent comme le diable, des choses comme ça, de la sorcellerie, un peu des choses okay. Qui sont ailleurs. Qu'est-ce que je peux te poser comme autre petite question? Tu t'endors, tu dis? Ah, le fait de pouvoir faire endormir les gens, c'est ça? Ouais. Okay, vas-y, parle. Est-ce qu'on s'endort sous hypnose? Oui. C'est ça. Oui. Alors, est-ce que c'est possible? En tous les cas, est-ce que ça facilite le sommeil? Est-ce qu'on est complètement dans un autre état ou est-ce qu'on reste dans un état semi-éveillé? Est-ce qu'on se rappelle de ce qui s'est passé concrètement? Dans quel état on est finalement quand on est sous hypnose? Est-ce qu'il y a plusieurs états? Alors, quand on commence à rentrer dans la transe hypnotique, on est toujours conscient de ce qui se passe autour. Mais ça va être dans le corps et dans l'esprit qu'on va être complètement détendu. Pour ce qui est de l'esprit, on va réussir à contourner le facteur critique. Donc du coup, cette petite voix qui est toujours là en train d'analyser ce qui se passe, en train de se questionner, de regarder, elle va être complètement endormie. Et on va se retrouver un peu dans un état comme juste avant l'endormissement. Vous savez, ce moment où on est encore conscient là, et il n'y a plus rien qui nous traverse l'esprit. Un peu comme si on était dans un nuage super détendu. Et donc non, on ne dort pas sous hypnose. On entend ce qui se passe. Alors bien sûr, quand on voit un hypnotiseur de spectacle, il allonge les gens au sol, ce qui n'est pas du tout utile pour rentrer dans la transe hypnotique. On peut atteindre le même niveau en étant assis ou debout. Et du coup, de voir les gens allongés au sol et que l'hypnotiseur prononce d'or, parce que ça date depuis des années, voilà, c'est, on va dire, un peu une coutume, les personnes ne dorment pas. Elles sont conscientes de ce qui se passe, elles entendent ce qu'il se passe et elles se rappellent de ce qu'elles ont vécu. Alors bien évidemment, il y en a certaines, il va falloir les accompagner pour que les souvenirs reviennent. Ça va faire comme certaines personnes qui vont se rappeler parfaitement de leurs rêves et d'autres qui ne s'en rappellent pas. On pourrait comparer le rêve lorsqu'on dort au moment du sommeil paradoxal, on est en sommeil paradoxal, et lorsqu'on est en transe hypnotique, ça pourrait être une veille paradoxale qui permet une superposition entre la réalité et le rêve. Donc du coup, jusqu'où on peut aller, tu posais la question tout à l'heure, eh bien la seule limite à l'hypnose, c'est l'imagination. Il n'y a aucune limite. Et aussi le consentement de la personne qui se fait hypnotiser. Et alors, je ne sais pas si, sans rentrer trop dans les détails, mais toi, tu t'es intéressé au côté presque, je te dirais, scientifique, neurologique, je ne sais pas. Qu'est-ce qui est activé finalement, comme, je sais pas, comme zone du cerveau, qu'est-ce qui fait aussi que physiquement, des gens se retrouvent à, je sais pas, être dur comme des planches de bois et on peut limite marcher dessus. Enfin, on voit un peu des choses. Oui, ça, complètement. On appelle ça des de spectacle. Ouais. Alors, on appelle ça des catalepsies. Donc, c'est que les muscles soient complètement rigides. Alors, en fait, ça active certaines zones du cerveau qui ne sont jamais activées lorsqu'on se retrouve en transe hypnotique. Et les personnes sont capables de prendre pour réalité ce que leur dit l'hypnotiseur. Donc, du coup, cette catalepsie du corps, pour eux, c'est une réalité. Et tous les muscles se fichent, se serrent. Alors, c'est une chose que moi, je ne pratique pas du tout en spectacle parce que, évidemment, il peut y avoir quelques problèmes par la suite, des douleurs, des muscles, des choses comme ça. Mais enfin, en tous les cas, je sais qu'on avait un ami commun qui nous parlait un peu de ses expériences de sous-hypnose. Il nous parlait de trucs vraiment, enfin, comment dire, non, qu'on va considérer comme un peu fous, des trucs du genre, ouais. Des gens qui se mettent à parler des langues qu'ils n'ont jamais parlé autrefois, ou enfin, vraiment des choses qui vont très très loin. Et y a aussi cet autre truc, ça me fait penser, du coup, à la télévision. Il y a énormément d'hypnotiseurs qui se produisent là, de plus en plus sur des émissions de grande écoute. Très quoi. À la mode. Et à chaque fois, il y a toujours ce truc de se dire, est-ce que les gens sont complices? Est-ce qu'ils ne sont pas complices? Comment on peut détecter finalement que quand on regarde bon, C8 ou n'importe quoi, que les gens ils se retrouvent à s'effondrer, à faire la poule ou je ne sais pas quoi? Est-ce qu'il y a une espèce de moyen de détecter des faux hypnotiseurs ou des bons hypnotiseurs ou... Malheureusement, je ne pourrais pas te dire s'il y a des complices ou pas sur cela. Il faut savoir qu'à la télé... Il y a toujours des moments où l'image est coupée et on peut faire raconter ce qu'on veut à l'image. Donc du coup, on peut faire croire que de rentrer en transe hypnotique, c'est instantané. Alors pour pouvoir détecter les personnes qui sont les plus réceptives, on l'a vu sur différents spectacles, des choses comme ça, il y a des tests de réceptivité qui va permettre de voir quelles sont les personnes qui vont lâcher prise le plus rapidement. Et à la suite de cela, une fois qu'on a fait ces tests de réceptivité, on approfondit la transe hypnotique pour que la personne se trouve dans un état le plus optimum pour pouvoir vivre les choses que propose l'hypnotiseur. Et en quoi ça consiste alors un test de réceptivité? Eh bien, c'est à voir si on est capable de lâcher prise tout de suite et d'imaginer ce qui nous est proposé. D'accord. Voilà. D'accord, entendu. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui vous viennent ici, dans le public, n'importe où? Si c'est pas le cas, je fais une mini transition musicale, le temps qu'on retrouve nos esprits. Là, l'ambiance était survoltée tout à l'heure, et là, d'un coup, tout est très très calme, ce qui est plutôt agréable. Je lance une petite chanson, et puis on revient tout de suite sur Web Radio Crochet. Thank you. On revient sur le live, c'était The Knife Pass This On. On est de retour donc sur la web radio Crochet. Et donc nous étions en train de discuter d'hypnose et nous avons un nouvel invité qui vient juste d'arriver et qui a envie de d'être un peu contradicteur, en fait, de nous donner un petit peu son avis sur, sur l'hypnose et tout ça. Donc on va lui passer la, on va lui donner la parole et puis on va enchaîner une petite discussion tranquillement. Petite mise en place, le casque est mis et c'est parti. En discutant bien dans le micro bleu. C'est un peu contradicteur, mais c'est aussi pour apporter des choses par rapport à ça, parce que donc pour comme je suis, j'aime bien que ce soit simple pour moi, donc je vais lire un peu les choses que j'ai écrites là. L'hypnose de rue, ça me semble s'apparenter à l'hypnose de spectacle. C'est ce que tu as pu indiquer tout à l'heure. Tout à fait. Et je suis un peu au parfum que la strip-hypnose s'est dotée, ça a été curieux un peu pour moi, d'une charte de déontologie. Je ne sais pas si toi tu es associé à... Ah bah, j'ai été formé par celui qui a lancé le mouvement de la street-hypnose en France, hypnose. Qui est soutenu par, qui forme également des médecins, des choses comme ça aujourd'hui. Il s'est approfondi et il y a une charte de déontologie. Ah, parce que bon, je me suis dit une charte de déontologie pour des gens qui disent qu'en fait, ils ont aucunement, l'hypnose qu'ils pratiquent n'a aucunement vocation à, entre guillemets, soigner des personnes. Oui. En tout cas, les aider à quelque chose, à dépasser des limites et... Pardon ? Continue, non, c'était parce qu'à chaque fois que tu tapes sur la table, ça résonne à l'antenne. Ah, ok. Donc je me suis dit, voilà des gens qui veulent séduire, et pour moi, ça, c'est pas très séduisant. Alors j'ai vu que dans la charte de déontologie de Street Hypnose que oui. Les principes qu'elle affirme sont le respect de la personne, de sa liberté, de conscience, de son intégrité, de sa diversité. Et elle indique, d'une manière un peu bizarre, qu'elle veut rendre le pouvoir de l'hypnose aux volontaires qui acceptent de se laisser hypnotiser. Ce qui m'a fait me poser la question, tiens, qui donc leur aurait pris déjà Personne. Ce pouvoir ? Donc oui, mais comme le sens des mots a quand même une importance, tout à fait. Et que le langage est la mère de la pensée et non sa servante, ça me paraît important de... Quand même. De soulever, oui, cette, ouais. Cette phrase qui n'a pas de cohérence. Oui, mais qui est quand même présente dans la charte. Oui, tout à fait. C'est pour moi qui l'ai rédigé. Oui, non. Ok. Non, j'interroge quand même. Tout à fait. J'ai bien vu que la street hypnose refuse toute forme de rémunération. Tout à fait. Et qu'elle se déclare respectueuse et bienveillante. Pour moi, le souci, c'est qu'elle me semble être bien autre que seulement ludique. Je suis bien d'accord qu'il y a des divertissements qui sont de qualité. Oui. Maintenant, moi, j'aime bien chercher où se trouve la qualité. Et puis, alors, dès lors que dans l'hypnose de spectacle, d'emblée, c'est les aspects spectaculaires qui sont recherchés. Par exemple, on peut demander à des gens de faire la poule, d'être raide comme un bout de bois, ou de passer un balai, qui n'existe pas, devant tout le monde, hein. De savourer un oignon comme on savourerait un gâteau, ou d'avoir les index des deux mains collés par une vis fictive, et de demander ça à des personnes qui, moi je dirais, qui peuvent ainsi s'en trouver ridiculisées, et plus tard, même affecté sur le plan émotionnel, même déstabilisé, dans le sens que, en fait, mon esprit a pu être manipulé par quelqu'un, ce qui me paraît très, très, très, très grave. Ça peut amener à des choses un peu folles. Mais il y a plein de choses dans la vie que nous vivons qui peuvent rendre fou, un peu fou sur les bords. Hein. Je peux intervenir sur ce paragraphe ? Oui, bien sûr. Alors donc, là, tu soulèves plein de choses contre lesquelles, moi, je suis. Okay. Alors, donc, la catalepsie, si on met une personne sur deux tréteaux, je ne l'ai jamais fait, j'ai travaillé en cabaret. On m'avait demandé de le faire, j'avais dit tu multiplies par 10, par 100, par 1000 ma rémunération, je ne le ferai jamais. Manger un oignon, c'est la même chose. Et ridiculiser les personnes, non plus. Mais, malheureusement, certaines personnes le font. Mais, je vous ai dit tout à l'heure que les personnes étaient toujours conscientes et pouvaient refuser si on allait au-delà de leur valeur. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque des gens montent sur scène, ils sont capables d'aller très loin parce qu'ils se trouvent sur scène et veulent participer à ce spectacle. Là, ça va être l'hypnotiseur qui est de mauvaise foi et qui a de mauvaises intentions, qui ne cherche qu'à briller. Quand je fais des spectacles ou quand je fais de l'hypnose de rue, dans un premier temps, la personne dont je suis garant de sa sécurité et qui m'importe le plus, c'est la personne hypnotisée, le partenaire. Ensuite, évidemment, je vais faire des effets spectaculaires, non pas ridicules, des effets spectaculaires pour le public. Et à la fin, bah, si j'ai les applaudissements, je suis d'accord. Voilà, tout ce que tu expliquais sur ce paragraphe-là, eh bien, ce sont des personnes qui ont un ego surdimensionné et qui veulent essayer de prouver qu'ils ont un hyper-pouvoir, alors que ça n'existe pas, il n'y a pas de pouvoir. Oui, mais là, nous avons une discussion générale, oui. Ici, qui est entendu par plein de gens, oui. Sur l'hypnose de rue. Donc, ils peuvent penser que l'hypnose, ça pourrait être une chose tout à fait intéressante. Moi, personnellement, je m'insurge pas mal contre ça, même si je trouve qu'il peut y avoir des gens très capables de faire quelque, ouais. Chose qui apparaît ludique. Mais ça ne me paraît pas être très respectueux des personnes. Alors, je ne sais pas, moi, je ne veux pas m'en prendre à toi personnellement. Non, bien sûr. Dedans. Je questionne la question même de l'hypnose de rue. Et donc, forcément, peut-être ça va faire que toi-même, tu vas être mis en question, forcément, puisque, bon, je ne sais pas, mais c'est pas là mon but en tant que tel. Hein. Ce que je voulais dire, c'est que quand il y a des aspects spectaculaires qui sont recherchés, forcément, les effets, ils doivent se voir sur la personne qui a accepté d'être volontaire. Et pour ça, comme tu le sais, la technique utilisée, ce sont des suggestions directes, plutôt autoritaires, de comportement. En induisant ça d'une façon rapide, par la répétition de mots évocateurs, par une mise en scène minimale. Hein. Alors, je pense que comprendre que l'hypnose de spectacle dont tu as parlé tout à l'heure, c'est pas forcément celle que je vais décrire là, mais qui existe malheureusement. Et là, les gens écoutent et donc doivent savoir. Pour moi, l'hypnose de spectacle à sert à fasciner, à subjuguer, à éblouir les spectateurs sur les capacités incroyables de notre cerveau. Mais elle fait croire aussi, et c'est ça que c'est particulièrement gênant, c'est qu'elle fait croire que l'hypnotiseur aurait une puissance de contrôler le mental de l'autre personne, qu'il peut ensorceler. Qui peut même être une sorte de fascinateur. D'ailleurs, le gars qui s'appelle en réalité Éric Normandin, et dont le nom de scène est Mesmer, se fait appeler maintenant le fascinateur. Alors, cette hypnose-là, moi, elle ne me convient pas parce que, en fait, bon, pour tout ce qu'elle génère dans l'esprit des gens. Et ça peut être très pernicieux. Donc, quelqu'un qui est soucieux, comme moi je le suis, de plutôt dans les actes que je pose, que ça aille plutôt dans le sens d'une émancipation, plutôt que d'un asservissement ou d'une soumission, bah, ce genre de choses-là ne peut pas me convenir. Et donc, je n'accepte pas, comme toi, tu as refusé de faire des choses comme tu as expliqué là tout à l'heure, à tout ton honneur, d'ailleurs. Pour moi, cette hypnose-là, elle est tout à fait éloignée de l'hypnose ericksonienne, que j'apprécie, que je pratique, que j'ai pratiqué, que je pratique encore de temps en temps, qui est là dans une approche tout à fait différente, dans son respect de l'être humain dans toutes ses dimensions, et qui vise à aider une personne à puiser, je dirais, dans ce grand réservoir actif de toutes ses ressources et de ses compétences, qu'elle connaît ou qu'elle ne connaît même pas d'ailleurs, mais qui sont présentes en elle, pour pouvoir dépasser des limitations ou des entraves, ou afin de réaliser un ou plusieurs objectifs qu'elle n'atteint pas actuellement avec son seul esprit conscient. Donc, c'est pour ça que je peux dire que cette hypnose-là peut être dite thérapeutique, mais elle est foncièrement non directive, émancipatrice, et elle est, de fait, une communication humaine aidante. Alors que... j'ai un petit blanc, donc j'arrête pour l'instant. Ok, alors donc... Quand tu parles en effet de l'hypnose du spectacle qui sert à fasciner, subjuguer, éblouir les spectateurs et certains à faire croire qu'ils ont un pouvoir, je suis entièrement d'accord avec toi. Cependant, l'hypnose de spectacle se pratiquait dans le respect de la personne, en les accompagnant de des scènes qui ne va pas les ridiculiser. L'hypnose de rue, on va dire la majeure partie des personnes qui pratiquent cette hypnose de rue, sont respectueux parce qu'il y a cette entité qui a été créée par Jean-Emmanuel Combes, qui s'appelle Street Hypnose, qui a vraiment une grosse reconnaissance en France dans l'hypnose de rue. Les gens ont un respect de la personne, éprouvent une vraie passion de proposer des séances d'hypnose à des passants, ce qui leur permet, eh bien, il y a certaines personnes qui viennent pour tester leur réceptivité, et après, voir un hypnothérapeute. Après, on va parler aussi de l'hypnothérapeute, de tout le respect qu'il peut avoir et la façon non directive. Comme cette pratique n'est pas régulée, n'est pas réglementée, on peut passer d'un métier qui est complètement opposé à hypnothérapeute parce qu'il y a énormément de centres de formation qui propose des séances d'hypnose et qui donne une certification hypnothérapeute. Donc là aussi, c'est pareil, faut faire attention. Et surtout, si un jour vous allez voir un hypnothérapeute, qu'il vous soit conseillé par quelqu'un que vous connaissez et qui a déjà pratiqué avec cette personne. Il y a un exemple en Corse, il y a un hypnothérapeute qui a été arrêté et inculpé parce que il était allé un peu trop loin sexuellement avec certaines clientes. Alors, je comprends toute l'opposition que tu peux avoir entre la thérapie, le médical, le spectacle. Il y a des personnes qui ont des comportements qui ne sont pas respectueux. Mais il y en a d'autres qui ont une vraie passion de cette pratique. Je crois que tout est dit là pour le moment. Je ne sais pas si tu veux faire une réponse, Bernard. Sinon, peut-être on peut enchaîner comme vous voulez. Faire une musique, c'est ça? Ouais, vas-y. Une petite musique. Ok, j'étais pas prêt. Je clique. C'est parti. Thank you. On est de retour sur Web Radio Crochet. Bienvenue pour ceux qui nous rejoignent. Et alors, on finit les petites préparations pour l'hypnose à venir. Là, c'est incroyable. L'hypnotiseur est en train de faire les tests sur nos deux cobayes. Donc, on va voir si ça va marcher. Voilà, en attendant, notre groupe est arrivé dans les locaux. Oui, le groupe SAD, Seasonal Affective Disorder, qui vont venir faire un petit live de 22h à l'heure qu'ils veulent. Hein. Un petit live acoustique, donc on aura une petite dizaine de minutes de mise en place. Je mettrai une petite chanson. Ceux qui veulent venir dans les studios pour les voir en live, venez, on est ouvert, hein, vous pouvez venir sur place avec nous, profiter du moment. Ce sera gratuit, hein, ne vous inquiétez pas. Ce que je voulais raconter d'autre, c'est que juste après ça, ah oui, bah c'est bon, on l'a déjà dit, je voulais dire que c'était le concert acoustique juste après. Est-ce qu'on est au point sur notre surprise d'après ? Pas du tout. On n'est pas du tout. Écoute, c'est peut-être surprise vous qui allez nous surprendre. Je sais pas ce qui va se passer. Je pense qu'on pourra faire une espèce de antenne libre, tu vois, un truc. D-Fool. Ouais. Tu peux être D-Fool et tu peux être Romano. Ouais, ça peut être intéressant. S'il y a des gens qui veulent venir nous raconter leurs problèmes hyper intimes, on va tout résoudre ensemble. Ça peut être ça. Sinon, ça peut être une succession d'anecdotes. Sinon, on peut faire une session surprise gilet jaune. Enfin. Voilà, on peut lire des extraits de livres choquants. Voilà. On ne sait pas ce qui va se passer vraiment. C'est le moment de. Oui, qu'est-ce qu'il veut ? Petit Antonin, il a une idée. Alors, il voulait prendre de la drogue en direct et nous raconter ce qui se passe, ce qui est possible aussi. On va peut-être bientôt sortir l'Ilsus du studio parce que vraiment, c'est trop subversif pour nous. Ça dégénère avec l'Ilsus. Est-ce que sinon, Bernard, il voulait. Bernard, tu m'entends ? Tu voulais t'adresser particulièrement à lui ou tu veux juste parler aux auditeurs et à ce moment-là tu peux dire ce que tu voulais dire pour conclure là sur les deux minutes qui restent juste avant qu'il soit prêt, ouais. Si tu veux. Ouais. Je voulais parler par rapport à ce qu'il est en train de faire. Ah oui, bah vas-y si tu veux, tu peux décrire un peu. Ouais, bah c'est le moment, tu vois, il comme ça. Il va saper tout son travail. J'ai envie qu'il me réponde. Ah oui, mais le truc c'est que là, comme ils sont en train de se mettre dans un état, tu risques de briser l'état un peu, non? Il nous dit non avec sa petite tête. Alors, ils vont nous revenir, ces braves gens. Voilà, ça se réinstalle autour du bureau. On a... Voilà, parfait. Alors, juste avant du coup de commencer la session d'hypnose, juste on voulait rappeler que eh bien, régulièrement, il y allait y avoir des petites émissions justement pour discuter de ça, de discuter de l'hypnose. Je ne sais pas exactement à quelle fréquence on pourrait voir soit tous les 15 jours ou mensuel avec des questions des auditeurs. Voilà, tout à fait. Et je synthétise en fonction des thèmes et j'apporte les réponses. À ces questions. Voilà, donc à venir. Chronique d'une demi-heure. Suivez Web Radio Crochet et le Diable au corps et on vous donnera le programme quand il sera un petit peu plus opérationnel. Juste avant donc de commencer dans le vif du sujet avec l'hypnose, Bernard avait un dernier commentaire à faire. Alors Bernard, la parole est à toi pour une dernière fois pour deux minutes chrono. Oui, mais il y a une chose que je ne sais pas et j'ai pu observer effectivement dans Rouen. Des hypnoses de rue. Oui. J'étais toujours un petit peu... On s'y est vu plein de fois. Non. Enfin, moi, je passais comme ça. Je t'ai vu. Oui. Mais donc, je ne me suis jamais arrêté trop parce que ça me paraissait un peu... J'ai pas de prédilection vers ça. Et... Je ne sais pas combien de temps exactement ça dure. J'ai vu là ce que tu viens de faire avec deux personnes. Ça ne dure pas bien longtemps. Bon, là, tu as utilisé un truc qui s'appelle la safe induction de Ernest Rossi, qui est un ericksonien renommé. Mais c'est vrai que Ernest Rossi n'utilisait jamais cette induction pour rien. Là, j'ai l'impression que c'est un peu... C'est du savoir-faire. Tu as un certain savoir-faire, ok. Je ne nie pas ça. Il y a même les hypnotiseurs de spectacle sont tout à fait capables de faire des choses tout à fait extraordinaires. Mais là où ça me pose un problème, c'est que, bon, là, tu fais ce truc-là. Il n'y a pas d'intention d'aucune sorte, puisque ceux qui se prêtaient à la chose... N'en avait a priori pas de connu, dénoncé. Si, l'intention c'était de tester leur réceptivité pour pouvoir permettre de montrer un effet Ouais. Alors, moi, je dirais que j'ai jamais rencontré, lors de ma pratique en hypnose ericksonienne, de gens où ça pose un problème, quoi. D'accord. Voilà. Donc, je pense que toute personne est hypnotisable, effectivement, et c'est-à-dire est capable d'entrer par elle-même en état d'hypnose, d'autant plus si elle est accompagnée, parce que de toute façon, ça nous arrive quotidiennement dans la vie de tous les jours, oui, forcément, ça nous arrive quotidiennement de rentrer en état d'hypnose. Moi, je ne vais pas donner plein d'exemples, mais ça arrive tous les jours. Ne serait-ce qu'en conduisant sa voiture sur un trajet assez habituel, voilà. Mon souci avec ça, c'est qu'est-ce qu'il en est fait après ? Parce que quand tu fais une hypnose de rue, oui, qui dure peut-être 10 minutes, un quart d'heure... Ça peut aller jusqu'à 20, 30, peut-être, oui. Qu'est-ce qu'il en est fait 30, après ? Voilà. Donc, c'est quelque chose qui forcément a des effets importants, peut avoir des effets importants dans une personne. Et j'avais une question, c'est qu'est-ce qui se passe après ? Alors tu disais tout à l'heure, ben, je peux éventuellement donner des recommandations, des adresses de praticiens. Ça c'est au cas où la personne exprime ça aussitôt. Donc la question, c'est est-ce qu'il y a un suivi à faire derrière ? Est-ce que voilà. Alors, donc, quand on rentre en transe hypnotique, quand on rentre en transe hypnotique, on n'est pas dans une thérapie, donc il n'y a aucun suivi. La personne rentre en transe et elle ressort en transe accompagnée par l'hypnotiseur. Point barre. Il n'y a pas de suivi, il n'y a pas d'intention. L'intention, c'est le divertissement. C'est comme si je te disais, quelle est ton intention d'écouter un disque ? Ouais. Oui. Là, on est dans le spectacle. Et tu pratiques l'hypnose, toi ? Oui, oui. Tu es hypnothérapeute ? Oui. Parce que tu as un discours bien tranché. Alors souvent, on est confronté à ça sur des hypnothérapeutes qui se disent contre l'hypnose, mais l'hypnose qui n'est pas ericksonienne. Par contre, ça t'amène des clients. Parce que des gens viennent tester. Donc, évidemment, je suis entièrement d'accord avec toi sur des guignols qui vont pratiquer pour se donner un super pouvoir. Mais... l'hypnose de rue est faite en majeure partie par des personnes respectueuses. J'anime à Rouen un groupe. On était à une époque, une belle époque, on était jusqu'à 15-20 personnes. Et nous avions tous cette charte comme guide de conduite. Sans aucun objectif, sans aucun but. Et il n'y a pas de suivi après puisque c'est du ludique. C'est comme si on avait vécu un rêve. Et après, ça se termine. Quand tu te réveilles le matin, quel est le suivi de ton rêve ? On va pas toucher à des fondamentaux de l'inconscient. Il y a rien de plus. C'est à la suite de cela. Super intéressant. Peut-être qu'on pourrait reprendre même dans oui. les émissions prochaines. Tout à fait. Bernard, on pourra se faire un truc ensemble. On ne voudrait pas couper des parties de notre super concert qui nous attend après. Donc on va peut-être passer à la pratique. Bah tout à fait. Ouais. Le rendez-vous est donné pour la suite du combat du siècle. Et puis. Non, au contraire. Non, je rigole. Au contraire. Et donc du coup, bon, c'est pas très très grave si on dépasse un peu. Prenez votre temps là, du coup, pour la mise en place de cette petite session d'hypnose. Alors là, on peut déjà tester sur tout le monde un test de réceptivité très très simple qui va permettre à chacun, en lâchant prise, en imaginant et en se laissant guider, de voir à quel point elles sont capables de pouvoir rentrer dans cette première transe qui, comme disait Bernard, est quelque chose de tout à fait naturel qui est au fond de nous. Alors on ne va pas faire le test des doigts. Si pour les personnes qui veulent essayer, vous asseyez confortablement. Alors les auditeurs, vous pouvez également faire la même chose. Voilà, vous installez dans une position bien confortable et vous allez fermer vos paupières. Je voudrais que vous visualisiez chaque muscle qui commande les paupières et que vous imaginiez que chacun de ces muscles sont désactivés. Maintenant, vous allez trouver une image pour faire en sorte de figer, de bloquer, de coller entièrement ces paupières. Certains vont imaginer qu'ils mettent de la colle, d'autres des cadenas. Certains imaginent qu'ils cousent leurs paupières. À vous de trouver votre propre image. Cette image qui va faire qu'il vous sera impossible de les ouvrir car votre inconscient eh bien, ne fera plus la différence entre ce que vous lui aurez proposé et la réalité. Maintenant, vous allez vous répéter cette phrase dans votre tête. « Mes paupières sont collées. Mes paupières sont collées. » Vous vous répétez cette phrase. Au moment où je vous demanderai d'essayer de les ouvrir, évidemment, vous avez toujours le contrôle, mais au moment où je vous demanderai d'essayer de les ouvrir, eh bien, plus vous tenterez d'écarter les paupières, plus elles seront collées et moins vous aurez de force dans les muscles. À partir de maintenant, vous allez pouvoir essayer d'ouvrir vos paupières. Ok, maintenant je vais claquer juste des doigts et les paupières se décollent complètement. Alors, combien on avait de personnes sur le plateau qui se sont retrouvées avec les paupières ? Une, deux, trois, quatre. Donc voilà, ça c'est un petit exercice d'imagination. C'est un petit exercice d'imagination qui permet de voir si on est capable de lâcher prise pour rentrer dans son imagination. Il y a quelque chose. Non ? Je crois pas. Vers trop de films. Ok. Alors, qui est-ce qui avait les paupières collées ici ? Ouais, prends pas Benny parce qu'on va plus avoir... Ouais. Est-ce que tu voudrais... Bah, on a testé, mais ils sont, ils arrivent à lâcher prise, mais pas suffisamment pour aller sur des effets un peu plus loin. Bah, tiens, viens en face de moi, prends la chaise, mets-toi en face. Ok, alors là ce que tu vas faire, donc je vais reproposer exactement le second test de réceptivité que j'ai proposé au garçon tout à l'heure. Tu vas mettre tes mains comme ça dans une position souple. Tiens, pose bien tes pieds au sol, position bien souple. Et donc avant de commencer, tu n'as pas de problème cardiaque, tu n'es pas sous antidépresseur, pas de dépression profonde avérée ces derniers temps. Pas de problème psychiatrique. Si vous êtes trop nombreux dans ta tête, c'est toi le chef. C'est bon, tout va bien. Ok. Ferme tes paupières. Maintenant, tu vas imaginer qu'ici, dans la paume de tes mains, tu as deux aimants surpuissants qui s'attirent. Tu vas voir la forme, la couleur, l'épaisseur de ces aimants. Et à chaque détail que tu vas apporter à ton esprit, eh bien, ces aimants vont commencer à prendre vie et à s'attirer de plus en plus. Au moment où les aimants se toucheront, tu prendras une profonde inspiration et tu te détendras. J'aimerais que tu me dises de quelle couleur sont les aimants. Noir. Noir. Ils ont quelle forme ? Ils sont ronds, tout ronds. Ils sont tout ronds. Plutôt gros. Petits ou grands ? Super gros. Super gros. Donc, ils sont très, très puissants. Ouais. Ok. Eh bien, tu pourrais juste, en imaginant cet aimant rond, gros, noir, tu pourrais imaginer que tu lui donnes encore plus de puissance juste avec ton esprit. Et peut-être que maintenant, eh bien, ces aimants ont pris vie et il y a une interaction et tes mains se rapprochent de plus en plus. Au moment où les mains se touchent, tu prends une profonde inspiration et tu te détends. Tu as juste ça à faire. Ça, c'est ta partie. Complètement détendu, relâché, à l'intérieur de toi-même. Ok, grâce à cet effet, on appelle ça une rupture de pattern, c'est-à-dire que c'est une rupture d'habitude. Pour lui, eh bien, ses mains se rapprochaient, le chemin continuait, et je suis arrivé, il y a un petit bug dans l'inconscient qui fait que l'inconscient il se dit « mais qu'est-ce qui se passe ?» C'est un peu comme si, vous savez, vous arrivez devant une porte, vous êtes persuadé qu'il faut pousser cette porte, vous la poussez, et il y a un quart de seconde avant, vous dites « ah merde, il faut que je tire ». Et j'ai eu une petite action sur ses mains qui a créé cette rupture. Ok, à partir de maintenant, eh bien, mentalement, tu vas imaginer que nous nous trouvons en haut d'un escalier de trois marches Et à chaque marche que tu vas descendre, tu vas approfondir cette sensation, rentrer encore plus à l'intérieur de toi-même et détendre complètement ton corps. On va descendre la première marche. On va descendre la deuxième marche. Et on va descendre la troisième marche. Maintenant, peu importe le bruit, l'environnement, les gens, ce qui se passe autour, tu es centré sur toi, ton esprit, ton corps, et tu es concentré sur ma voix. Ok, tu vas pouvoir te redresser. Tu peux ouvrir tes paupières. Alors toi qui vis... Toi qui vis... Faut activer le micro noir. Faut activer le micro noir. Dis-moi. Ouais. Alors toi qui vis la sensation, comment tu pourrais décrire l'état, le premier état, on va dire, de transe hypnotique? La première partie, là... Qu'est-ce que tu... Là, maintenant qu'on a atteint le premier niveau, comment tu pourrais décrire ça dans le corps et dans l'esprit? J'ai l'impression que c'est brumeux. Enfin, je sais pas, ouais, c'est difficile de parler, mais ouais, c'est ça. C'est cotonneux. C'est très brumeux. Ouais, d'accord. C'est ça. Et assez aérien, quoi. Je sais pas comment expliquer. Ouais, oui, tout à fait. Ouais. Ouais, un peu comme ce moment, comme j'expliquais, ce moment où soit on sort d'une sieste et ouais. Voilà, on a cette brume autour. J'ai la tête dans le cul, ouais. Voilà, j'ai un peu la tête dans le cul. Donc sur la part thérapie, eh bien, ça permet d'aller travailler après sur l'inconscient et de travailler sur des habitudes qu'a pris l'inconscient. Et sur le spectacle, eh bien, ça permet d'aller vers l'imagination et de tester les choses. Alors on va tester une première chose. Tiens, ferme tes paupières. C'est comment ton prénom ? Béni. Béni, ok Béni. On pourrait imaginer que cette colle que tu avais tout à l'heure sur les paupières, eh bien, elle est sur ta bouche, Béni. Elle est au niveau de tes lèvres. Tu peux bouger ta langue à l'intérieur de la bouche, mais elle est au niveau des lèvres. Et l'image que tu as utilisée pour tes paupières, eh bien, va être deux fois plus amplifiée au niveau de tes lèvres. Et au moment où tu ouvriras les yeux, tu pourras sortir des sons, évidemment, mais ta bouche sera totalement fermée. Donc on entendra peut-être des... On ne comprendra pas tout, ce ne sera peut-être pas tellement très audible pour la radio. Ok, Béni, tu peux ouvrir tes yeux. Alors, Béni, comment s'est passé ce début de journée ? Attends, j'ai réussi. Ah, t'as réussi. Je me suis libéré. Tu t'es libéré. Non, je ne pouvais pas parler au début, par contre. Donc, les faits avaient commencé à prendre ouais. Au niveau des lèvres. Ouais. Ok. Tiens, reprends une profonde inspiration. Reprends une deuxième inspiration. Maintenant, dors. Complètement détendu, relâché à l'intérieur de toi. Mais ok, on approfondit deux fois plus la sensation par rapport à tout à l'heure. Ok, t'es centré sur toi et ton esprit, juste sur ces belles sensations. Évidemment, si tu testes, eh bien, t'es plus fort que ce que je te propose puisque t'as toujours le contrôle. Mais là, on rentre dans la part du rêve. Ok, garde tes yeux fermés, redresse-toi. On pourrait imaginer qu'à chaque fois que tu entends ton prénom, Béni, eh bien, t'es mort de rire. Tu sens déjà cette envie de rire, comme si eh bien, tu t'assistais à la scène la plus drôle ou peut-être que tu voyais un ami qui chute. À chaque fois que tu entends ton prénom, Béni, tu as cette envie de rire qui monte en toi et tu le sens au niveau de l'estomac. Et t'es cette envie de rire qui est plus forte, qui dure 3 secondes. Et plus tu tenteras de résister, plus cette envie de rire viendra et elle s'arrêtera automatiquement. D'accord, Béni, tu peux ouvrir tes yeux. Est-ce que tu sens que on est descendu un petit peu plus profond ? Ouais, je sens que c'est un peu plus profond, mais en même temps, je sens que j'essaie une espèce de lutte un peu. Quand ouais, même, ouais. Je contrôle. C'est ça. Ouais, si tu as cette lutte, du coup, on peut pas forcément aller plus loin, mais... On est descendu plus profondément dans la transe. Ce que je vais te proposer, c'est on va se reconnecter. Okay. Parce que du coup, là, les effets, si tu es toujours entre le « oui, ok, je vais faire », mais « ah non, non, je préfère garder quand même le contrôle », C'est pas trop volontaire en fait. Ah oui, non, mais bien sûr. Qui se passe dans ma tête ou... Bah, peut-être aussi parce que t'es là, c'est toi qui dirige l'émission. Et tu peux pas laisser le contrôle à Pedro. On a demandé le micro noir. Pedro. J'ai compris comment ça marche. Ok. Tiens, ferme tes paupières. Donne-moi tes mains. Ok, on va imaginer que tu es déchargé et que moi je vais être la source d'énergie et avec mes pouces, quand je vais appuyer ici sur la paume de tes mains, eh bien ça va te recharger complètement jusqu'au moment où tu auras décidé de t'endormir. Mais là, tu auras une pêche de malade, tu te sentiras super bien et tu pourras tenir jusqu'au bout de la nuit au moment où tu auras décidé de t'endormir. Tu dormiras parfaitement bien. Ok, à partir de maintenant, tu commences à sentir toute cette énergie qui véhicule dans chacun de tes membres, chacun de tes muscles, chacun de tes nerfs. On se recharge à 50%. Ok, on se recharge à 60%. Et prends de profondes inspirations. Et maintenant, chaque inspiration que tu prends, eh bien, c'est de la vitamine C, de l'énergie. Comme si tu te remplissais, tu étais une bonbonne. Tu te recharges complètement. Et ton esprit, maintenant, est complètement clair. On est à 80, 90, 95. Prends une dernière inspiration. Et tu la gardes. Et là, c'est de l'adrénaline. On est sur le départ d'un 100 mètres. Tu peux ouvrir tes yeux. Ça va. Ça va ? Ouais. On est revenu ? Ok. Ok. On va pouvoir repasser. Ok. Peut-être sur d'autres questions. On retourne. Merci. Ok. Alors donc du coup. C'est bon. Donc du coup, tu as senti qu'il y avait une dualité entre la part qui voulait lâcher prise et celle qui voulait comprendre comment ça fonctionnait. Ouais. C'est plutôt ça. Oula, je suis fort aussi. Ouais, c'est ça. C'est que au tout début, je suis vraiment tombé. Enfin, vraiment, tu t'es laissé surprendre. Ouais, mais je me suis vraiment endormi, quoi. Vraiment littéralement endormi. Et ce truc de j'arrivais vraiment pas à fermer les yeux et tout ça. Et après, j'ai senti effectivement une espèce de lutte intérieure entre effectivement le avoir conscience d'où j'étais, de ce qui se passait, et en même temps avoir envie de me laisser aller. Et ouais, c'est ça, à partir de la deuxième étape et tout ça, c'était plus difficile de rentrer dedans, ouais. Mais je pense que c'est peut-être aussi dû au fait qu'il y avait tous mes petits camarades autour de moi et que c'est ça. Ça facilite pas forcément les choses, mais en tout cas l'ambiance, le fait qu'il y ait peu de bruit, le fait qu'il y ait une espèce de lumière un peu, je pense que ça aide aussi. Oui, complètement. Oui, vas-y Mathias. Est-ce que c'est pas aussi parce que dans la première partie, t'as interagi directement sur Benny et sur les autres parties moins? Ah non, du tout. Non, c'est pas... Non, après, ça va être le... Voilà, si on lâche prise complètement, j'utilise en général les mêmes techniques de base au départ. Non, c'est... Ça n'a rien à voir. Entendu. Je sais pas si des gens ont envie de poser des questions. Bah ouais, on peut poser des questions. Le micro jaune, il est pour vous si vous voulez. Je peux le faire passer même, mais... Moi, j'ai une question. C'est vraiment par rapport à l'environnement. Est-ce que, du coup, le fait d'avoir des gens autour de soi, tu disais, du coup, c'est peut-être ça qui a joué sur Benny, ça peut vraiment changer beaucoup de choses, les différentes personnes qui sont autour? Alors oui, tout à fait. Va y avoir des personnes qui vont être capables de lâcher prise s'il y a une foule autour. Donc ça va être celles qui vont monter sur scène et qui vont vivre des effets. D'autres personnes qui, lorsqu'il y a le regard de quelqu'un, se sentent épiés et du coup veulent garder le contrôle en se disant « Non, on m'observe, je ne peux pas. » Et ces personnes-là, en général, quand elles sont réceptives, si elles se retrouvent dans un climat plutôt intimiste, du face-à-face, là, elles sont capables de se laisser aller. D'accord, parce que moi, j'ai déjà été hypnotisé plusieurs fois. Et à chaque fois, ça a très, très bien marché. Oui. Et en venant au studio avec certaines personnes qui étaient très dubitatives quant à la pratique de l'hypnose. Oui. Qui disaient non, mais c'est vraiment bizarre, j'y crois pas, etc. Moi, j'ai essayé de les convaincre que si, ça marchait très bien, etc. Oui. Et le fait de leur présence dans le studio actuellement a fait que je voulais absolument que ça marche sur moi, et le test des paupières n'a pas du tout marché. Du coup, parce que je pensais en fait à ce truc-là, de, où je me suis dit, ah bah faut que je leur prouve que ça marche. Faut que je le prouve. Peut-être que là, la volonté était trop forte, et du coup, tu te disais, faut que ça marche, faut que ça marche, faut que ça marche. Ouais, je pense que c'est ça, et du coup, ça n'a pas du tout marché, alors que bah, habituellement, si ça marche bien sur moi. Si t'as été hypnotisé rapidement, il suffit juste que tu te rappelles de l'état d'hypnose. Mais là, ça fait longtemps. Mais... En fait, c'est, on va dire, c'est comme le vélo, ça se perd pas. Si je te demandais d'imaginer l'odeur ou le goût de la moutarde, eh bien ton inconscient s'en rappelle. Et quand on a su rentrer en transe hypnotique accompagné par quelqu'un, on sait y retourner. D'accord. Et quel que soit le temps on a pratiqué. Ok. D'autres gens avaient des... Lise, tu as une question ? C'était ça. Ah ok. Entendu. Eh ben, je sais pas si tu veux un petit mot de la fin, il est 22h10, c'est comme tu veux, si oui. Vous voulez conclure, c'est possible. D'accord. Eh bien, merci, merci à vous de m'avoir invité ce soir. Merci. Donc voilà, comme on avait dit tout à l'heure avec Benny, on fera une petite chronique tous les 15 jours, et avec Bernard, on en fera une ensemble. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je m'appelle Sébastien Clé, j'ai une page Facebook, vous tapez @clee hypnose. Vous pouvez voir ce que je fais en spectacle, dans la rue. Et Bernard, je te donnerai ma carte pour que tu puisses aller voir et te rendre compte que oui. Je ne ridiculise pas les gens. Non. Bonne soirée à tous. Et bah, merci à tous. Au revoir. Tom York Analyze, et puis on prépare le studio pour SAD Seasonal Affective Disorder. No spot.